Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Non sans émotion que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce tout dernier épisode de Coup de tête. Et pour être honnête, je ne pensais pas que l'aventure serait aussi riche et intense, émotionnellement parlant. À Stade et moi, on en a entendu, on en a même sublimé. On a rencontré 9 incroyables personnes avec des parcours de vie tous plus inspirants les uns que les autres. Et je profite de cette petite intro pour tous les remercier et pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Il y a eu tout d'abord mes 2 copines Charlotte qui nous ont transmis toute la fraîcheur de leur jeunesse. Antoine et sa résilience qui force le respect. On a aussi eu Mathieu et son incommensurable goût pour la vie. On n'oublie pas notre couple d'amoureux atypiques et complémentaires, Bruno et Virginie. Un peu plus au sud, on a retrouvé Philippe et ses anecdotes de scénariste. On a aussi eu Nathalie et sa motivation débordante pour accompagner ses pairs. Et enfin, notre amie belge Guylaine à la voix envoûtante. Merci, merci, vous sublimez cette saison de coup de tête. Alors, on est peut-être tous les uns aux autres reliés par ce fameux cancer de la tête et du cou, mais nous sommes également tous unis autour d'une même association aux valeurs profondes et humaines. Cette association, c'est bien évidemment Corasso. Et l'aventure coup de tête n'aurait pas pu exister sans cette association, ni sans cette personne, cette femme qui me fait confiance depuis plusieurs années maintenant et qui est un boost d'énergie et de bienveillance au quotidien. Pourquoi je dis bienveillance ? Parce que, pour la petite anecdote, tous les jours, depuis 2 ans, je reçois chaque matin son fameux message qui me dit « Coucou Michette, comment ça va aujourd'hui ?» Et ce « ça va », il a une saveur totalement différente de la classique question de politesse qu'on pose tous. Tu as sincèrement envie de savoir comment je vais, si je suis fatiguée, stressée, apaisée, sereine. Et chaque jour, je te réponds avec la plus sincère des réponses, en fonction de mon humeur du jour. Parce que même si ça va pas, je sais que je peux te le dire et que tu seras toujours une oreille attentive aux précieux conseils. Alors comment ne pas terminer l'aventure coup de tête ou cette première partie d'aventure ? Autrement qu'avec celle qui me tend la main depuis le début, cette femme que l'on qualifie de solaire et pétillante à juste titre. Bienvenue Sabrina dans ce tout dernier épisode de coup de tête. C'est dur de reprendre. Il va falloir que j'ai vécu l'émotion. J'avoue qu'en écrivant cette petite intro, j'étais particulièrement touchée, mais en fait, je l'ai déroulée tout naturellement. Et parce que... Alors, si je pleure pas trop à cause du cancer, je pleure facilement avec les émotions positives. Là, j'en suis pas loin, j'avoue. C'est très touchant. Alors justement, la première question que j'aimerais moi te poser, c'est à mon tour, comment toi tu vas aujourd'hui ? Comment moi je vais aujourd'hui ? Je suis très heureuse que vous soyez là. Je suis très heureuse de te faire découvrir mon chez-moi, parce que c'est vrai que c'est le siège de Corasso et finalement, il ne représente pas beaucoup derrière un écran, mais le fait est que c'est la maison familiale, que c'est l'endroit où je passe le plus de temps. Et puis j'ai encore le petit goût de la tarte poire chocolat là, donc je suis bien. Je suis même très bien. Super, cette tarte chocolat, poire chocolat. C'est vrai que je ne l'ai pas fait dans l'introduction, te présenter, je voulais que toi tu le fasses. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui est Sabrina et ce que tu fais dans la vie ? Alors, donc je suis avant tout une maman, j'ai deux enfants, Serena qui a 14 ans, Baptiste qui a 3 ans. Je suis une belle maman aussi de Max et Jeanne qui sont aussi deux belles adolescentes. Je suis la compagne de Bertrand. J'évolue dans un foyer très riche, très dynamique. Je suis enseignante à mi-temps. Je suis bénévole engagée au sein de Corasso que j'ai cofondé avec Christine, et même Christine était plus encore à l'initiative que moi de Corasso. Et puis je suis patiente parce que porteuse d'un cancer diagnostiqué il y a 14 ans et récidivant, donc un cancer devenu chronique. Je voulais revenir justement avec ce dernier épisode de Coup de tête sur deux sujets en particulier. Le premier, c'était bien évidemment Corasso. Comment l'association est née et comment elle vit aujourd'hui? Et le deuxième sujet, alors on fera un grand bond dans le temps du coup, et c'est plus pour parler de l'après-cancer et des séquelles des cancers tête et cou qui sont très particuliers, les séquelles visibles mais aussi invisibles. Pour comprendre un peu toutes ces séquelles qui peuvent en découler, il faut revenir au tout début de ton histoire en 2010. Comment tout a commencé pour toi ? En 2010, je reçois un courrier de l'assurance maladie qui me dit « Madame, vous êtes enceinte au cours du 5e ou 6e mois de grossesse, c'est bien de faire un bilan dentaire. » Bon, moi j'étais en arrêt un peu précoce à cette période puisque je faisais beaucoup de route, j'avais un travail qui pouvait être assez prenant, mais c'était surtout de par la route, et la gynéco avait vu quelques fragilités, donc elle m'avait mise en arrêt maladie. Je me suis dit, voilà, si j'ai le temps de faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, je vais consulter mon dentiste. Et mon dentiste, au cours de la consultation, à la fin de la consultation, il a eu le réflexe d'aller au-delà des dents et de vérifier que toute la muqueuse buccale se portait bien. Et c'est là qu'il a découvert une grosseur qui faisait déjà 2 cm. C'était dans le voile du palais. Et moi, je la sentais pas puisque j'avais le palais très incurvé à l'époque. J'ai eu la chance de voir cette convocation parce que ça faisait un certain temps que j'avais pas été chez le dentiste, justement parce que j'étais rentrée dans cette vie professionnelle, j'avais déménagé. Puis parce que, j'avais un dentiste que j'aimais bien, en qui j'avais confiance, mais lui aussi avait déménagé. Et ça faisait un petit moment, un petit trajet pour aller le voir, donc c'était l'occasion. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'il ait justement cette connaissance, ce réflexe de praticien hospitalier, parce qu'il exerce aussi à l'hôpital, et qu'il soit allé plus loin dans l'auscultation. Donc je suis sur le fauteuil d'auscultation quand j'ai encore son expression en tête, et là c'est un peu le branle-bas de combat parce qu'en plus je suis enceinte, donc c'était la date pile de mon 6e mois de grossesse. Donc il faut trouver une solution assez rapidement. Il ne me parle pas encore de cancer, hein. Il essaye de trouver une autre cause à cette grosseur. Donc panoramique dentaire, je me souviens encore de la secrétaire médicale qui va dans le centre de radiologie à côté chercher un tablier de plomb, parce que ils n'en avaient pas, c'était pas dans les habitudes, pour protéger Serena à l'époque dont j'étais enceinte. Et puis je me rappelle encore quelque chose qui est très marqué, c'est le dentiste qui alpaque son confrère qui était plus âgé, qui avait plus d'expérience, au retour du déjeuner, et qui lui demande, en fait, qui cherche à tout prix à trouver une autre explication que ce que lui présage déjà comme étant le cancer. Donc c'était assez marquant. Il trouve pas de réponse à cet espoir que ce soit autre chose, parce que ce que j'ai pas dit, c'est qu'il me connaît depuis que je suis adolescente. Donc il me tutoie et il y a une forme d'affect, c'est quelqu'un de très humain en plus. Et donc là, très vite, il me dit, bon, écoute, vas-y, tu peux rentrer, je te rappelle demain. Il est toujours dans la demande, il cherche l'accord. Il me dit, est-ce que c'est OK si je te trouve un confrère au RL à Paris? Et je dis, bah oui, de toute façon, j'irai où il faudra aller. Et puis, bah, ça loupe pas, dans l'après-midi, il me rappelle et il me dit, voilà, mon confrère peut te recevoir à Paris demain. Puis bah, là, l'ORL, la photo, la biopsie, l'appel à un confrère. J'ai plus trop de doutes sur ce qui m'attend au niveau du diagnostic. Et 3 jours plus tard, en fin de semaine, j'ai le résultat de la biopsie et on ne prononce pas le nom cancer. On parle que de tumeur, ce qui est déjà sans équivoque. Et là, moi, j'ai déjà fait mes démarches pour réfléchir où est-ce que je vais être soignée, parce qu'enceinte, c'est quand même un peu troublant. Puis c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Dans ma famille, il n'y a pas de cancer. Je découvre un nouveau monde, en fait. J'apprends qu'il y a un centre qui est plus spécialisé qu'un autre dans le suivi des femmes enceintes. Donc, qui est plus accessible depuis chez moi. Et puis, bah, 3 jours après, je suis vue en oncologie avec scanner, IRM et encore les tabliers de plomb pour le scanner et tout le barda pour protéger ma petite. On te parle tout de suite des traitements quand on te pose le diagnostic. Quand je suis chez l'ORL, je lui dis ok, bon, il y a une grosseur, on l'enlève et puis c'est bon. Ouais. Puis j'ai dans l'idée qu'en plus, on fait ça pendant que je suis enceinte, comme ça quand ma fille arrive, je m'occupe d'elle, je suis maman à 100%. Sauf qu'en fait, le scanner et l'IRM vont montrer une tumeur de presque 7 cm qui a envahi tout le maxillaire. Et là, c'est plus du tout la même dimension, en fait. On me donne à voir que non, on ne pourra pas m'opérer pendant que je suis enceinte, que l'opération va durer toute une journée. Et effectivement, elle durera 14 heures, qu'on va faire une reconstruction en même temps. Donc, on va faire l'exérèse, on enlève la tumeur le matin. Et l'après-midi, en même temps, on prépare les lambeaux libres, donc c'est-à-dire un bout d'omoplate, un bout de muscle du dos, un petit bout de côte, de cartilage costal. Et puis après, on va reconstruire tout ce qu'on a enlevé l'après-midi. Bah, ça, on me le dit au fur et à mesure. C'est comme la radiothérapie. Très vite, on me dit chirurgie, radiothérapie. Mais on commence d'abord par la chirurgie. Oui. Mais à ce moment-là, t'es enceinte de 6 mois. Donc, il faut attendre 3 mois avant qu'on puisse t'opérer. Alors, justement, ça s'observe. J'ai les premiers examens assez vite après la biopsie. Ensuite, on se dit, on se laisse 3 semaines. Parce que la biopsie parle d'un carcinome adénoïde kystique. C'est une tumeur rare qui est plutôt connue pour évoluer lentement. Donc, on parie là-dessus parce que mon bébé est viable, comme on m'a dit. Mais moi, viable, je ne veux pas l'entendre. Je veux que mon bébé soit en bonne santé. Mais on me donne à voir aussi qu'il ne faut pas que je me sacrifie sans mon bébé, parce qu'un bébé sans sa maman, c'est moins sympa. Donc, il y a cet arbitrage qui est fait de façon extraordinaire par l'équipe qui me prend en charge, de dire, avec le recul qu'on a, l'expérience qu'on a, les données de santé qu'on a, on se laisse 3 semaines. Si dans 3 semaines, ça a évolué, on accouche tout de suite, votre fille sera prématurée, mais un stade quand même qui laisse à penser que tout puisse se passer au mieux pour elle, sans que vous, ce soit trop compliqué. C'est beaucoup de tension, parce que quand on passe ce fameux IRM 3 semaines après, au préalable, on a préparé le rendez-vous en maternité. J'ai déjà vu les anesthésistes en maternité pour une césarienne anticipée. Je sais déjà où potentiellement je vais accoucher, dans quel service de néonat ma fille va être suivie, vie pendant que moi je vais être transférée dans un autre hôpital pour une neurochirurgie, parce qu'à cette époque-là, on envisage même une neurochirurgie tellement la tumeur est proche de la barrière méningée. En fait, c'est des scénaristes. Ils préparent différentes possibilités et en fonction des résultats, on adapte le scénario. Et finalement, bah, ils ont eu raison d'attendre, parce que la tumeur, elle n'évolue plus. On pense qu'elle a évolué au début de grossesse avec la décharge d'hormones. À ce moment-là, elle n'évolue plus. J'accouche 5 semaines avant la date prévue. Donc, ce serait une césarienne aussi, mais j'en avais très peur. Et puis, finalement, je suis bien contente. et j'ai 3 semaines pour accueillir et faire connaissance avec ma fille avant d'être hospitalisée. Et donc à ce moment-là, tu connais pas du tout les cancers de la tétée du cou. Est-ce que t'étais demandeuse de rencontrer des patients qui vivaient les mêmes choses que toi ? Ah, clairement. Et clairement, sauf qu'à l'époque, on évite de trop mettre les patients en relation parce que ça peut être source d'inquiétude vu... on va pas se mentir, il y a quand même un pronostic très sombre sur les diagnostics tardifs. Alors maintenant, ça va un peu mieux, mais ça reste quand même très difficile. Donc à l'époque, on veut surtout pas me projeter dans quelque chose de négatif. Et donc forcément, bah, y a déjà Internet hein, quand même. Je sais pas si c'est ça. Mais il y a très peu de groupes d'échange. Donc je tombe sur des forums où j'arrive à rentrer en contact avec une ou deux personnes. Mais en fait, ça en devient anxiogène parce qu'il y a tellement peu de personnes qui répondent à des messages qu'ils avaient laissés avant et sur lesquels je reviens que je me dis, bah, en fait, ils sont tous morts. Je me rappelle, à l'époque, c'était Hélène qui m'avait répondu, qui fait maintenant partie de l'association, qui a dit « Non, on n'est pas tous morts, rassure-toi. » On est là, on fait des petites pauses, mais on est là. Et donc, à quel moment tu as eu cette envie de créer une association pour tous ces patients atteints d'un cancer tête et cou ? Alors moi, j'ai pas eu l'envie, très franchement, parce que j'avais ma fille à élever. J'ai changé d'orientation professionnelle suite au traitement. Et donc, je suis dans ce renouvellement, dans cette nouvelle vie qui se met en place. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. Et surtout, j'y connais rien au milieu associatif. Mais rien de rien. Jusqu'à maintenant, j'étais consommatrice du milieu associatif, mais j'étais pas active. J'avais déjà auparavant eu des envies de m'engager. Mais de là à tout construire, ça me faisait peur. Et donc, quand Christine, elle me dit « Ah, le docteur Jeannot, il nous propose de monter une association de patients. Oui, mais moi, je sais pas faire. Puis là, je suis en train de changer de boulot, et puis ma fille, et puis ceci, et puis cela, et puis Christine. » Christine, qui a été ma voisine de chambre quand j'ai eu l'opération, la grosse exérèse, et que j'ai rencontrée grâce à Najette. Najette, si tu nous entends. Et qui m'a accompagnée dans mon parcours de soins, parce que j'étais très inquiète. J'ai eu des... Et l'embolie, bon, on est creusé, j'ai dû repasser au bloc. Enfin voilà, il a fallu retarder la radiothérapie. J'avais eu beaucoup d'échos négatifs sur la radiothérapie. Donc à ce moment-là, j'étais encore très inquiète. Oui. Ben, finalement, Christine, elle m'a pris sous son aile. Et en fait, je pense que la première motivation, c'est qu'elle me dit « Écoute, moi, je peux m'occuper des démarches administratives. » Et la deuxième qui est la plus forte, c'est je me dis, elle m'a aidée à mon tour d'aider. Okay. Donc comme elle s'occupe du truc casse-pied, bah, on me dit, mais au début, on sait même pas par quel bout s'y prendre en fait, parce que on connaît la ligue, puis voilà. Moi, je donnais des sous à la Croix-Rouge, des choses comme et ça. Mais... Et puis tout est déjà monté. Enfin oui, on le voit d'un point de vue extérieur, mais l'envers du décor, il est tout autre. Ah, mais l'envers du décor, il est tout autre. Tu le connais maintenant. Je le connais un petit peu maintenant, oui. Mais bon, il se trouve que en 2014, je fais une méningite. Je ne peux plus exercer en classe. Il faut qu'on me retrouve un poste adapté. Ben, en attendant, je mouline. Et puis, ben, c'est là que c'est l'occasion de commencer à développer Corazon. Alors okay. Ça commence tout petit, jusqu'au moment où on crée un groupe d'échange sur Facebook, le fameux corazon échangeant, et où là ça commence à prendre de l'ampleur, à faire sens, et puis après c'est un financement pour une première campagne comme un gueule. Et puis là, l'effet cathartique, et puis y a un peu plus de monde, ouais. Encore un peu plus, et puis il y a Corasso de maintenant. Et comment vit Corasso aujourd'hui? Alors comment ça se passe justement dans l'envers du décor? C'est beaucoup de négociations avec mon chéri. Parce que c'est toi qui emmène le petit à l'école parce que je vais faire ça, tu peux, chérie. c'est toi qui vas le chercher parce que là, je suis à tel séminaire, là, je suis à tel groupe de travail, là, ceci, cela. L'envers du décor, c'est beaucoup de choses. C'est aussi un peu de pression parce que la maladie, elle laisse des séquelles, notamment celle de la fatigabilité. Il y a des fois où tu avances plus vite que le TGV et puis des fois, tu moulines dans la semoule parce que t'arrives pas à ouvrir les yeux comme il faut, parce que t'as tes rendez-vous médicaux, donc c'est très dépendant de l'état de santé. C'est très chronophage. C'est beaucoup de questions. Est-ce que je fais bien? Est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en agissant en ce sens, je l'emmène dans la bonne direction avec les bonnes personnes? Est-ce qu'au contraire, je vais pas dans la bonne direction? Est-ce qu'on perd du temps? Est-ce qu'on en gagne? Est-ce qu'on optimise le peu de financement qu'on a? Mais c'est aussi beaucoup de bonheur comme le temps qu'on passe aujourd'hui ensemble. C'est aussi le retour des patients qu'on aide, même si des fois c'est la culpabilité de ne pas pouvoir en aider certains parce que on découvre plusieurs mois après le mail qu'on nous a envoyé alors qu'on aurait voulu y répondre mais que c'était dans les spams ou que ça s'est noyé dans les dizaines de mails que tu as reçus dans la journée c'est plutôt très positif au global, ça c'est sûr, puisque je me sens utile. Est-ce que je travaille avec des super personnes? Je viens de me prendre une déclaration d'amour hors norme. Est-ce que ça te demande beaucoup d'organisation dans ta vie? Parce qu'au final, tu as plusieurs vies. Tu as ta vie de maman, ta vie en tant que présidente d'association, puis ta vie aussi en tant que prof à l'école. Comment ça se passe dans son organisation personnelle et professionnelle? Est-ce que tu arrives à bien faire le distinguo entre chaque? J'ai appris depuis cette année et depuis l'aventure Vagabond, déjà, à prioriser. Ouais. Et il y a une chose que j'ai mis en place depuis la rentrée, et ça tient bien pour l'instant, c'est que je commence par prendre soin de moi pour faire comme mon chéri me dit. Prends soin de toi pour pouvoir prendre soin des autres. Donc le matin, je dépose mon petit bonhomme à l'école et après je vais marcher une heure. Alors j'essaye de pas trop toucher à mon téléphone pendant l'heure pendant laquelle je marche. et déjà je vais prendre soin de moi parce que je sais qu'une fois que je suis revenue, et ça c'est l'aventure vagabond qui m'a permis de réaliser ça, c'est qu'une fois que je suis revenue, j'ai pris soin de mon corps, j'ai eu mon activité physique et ça m'éveille les méninges et j'ai plus de culpabilité et j'ai commencé par moi. Ce qui n'a pas été intuitif au début, mais je vois à quel point c'est bénéfique. Donc je continue. Après, j'ai mes obligations professionnelles auxquelles je dois répondre. J'ai bien sûr mon statut de maman. Mais c'est H24, hein, c'est pas dans la journée. Par exemple, cette année, je m'étais dit que mon fils était trop petit pour aller en garderie. Puis en fait, ouais, maman, j'ai dansé en garderie, c'était trop bien. Et puis je le vois, le peu de fois où j'ai dû le laisser pour d'autres contraintes, je vois qu'il a le smile en rentrant, je me dis, bon, après tout, je peux le laisser un petit peu. Et comme ça, quand je le retrouve, je suis contente d'avoir pu avancer pour l'assaut. Et puis, je suis pleinement à lui quand il revient. quand il n'y a pas une réunion qui s'éternise, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et donc, je crois qu'il aura fallu tout ce temps pour que je trouve enfin mon équilibre, que je l'assume et que je sois sereine par rapport à ça. Parce que aussi, j'ai appris à dire non. Il y a tellement de sollicitations qu'on est obligé de trier. Et j'ai appris à dire, non, là, on ne peut pas. C'est pas facile à faire. Hein. Punaise, non. C'est pas facile du tout. C'est même très, très dur. Ouais. Je pense que... Et puis, c'est tellement nécessaire parce qu'on a déjà vu... On est plusieurs à l'avoir subi. C'est qu'à un moment donné, si tu fais pas ça, tu te fais absorber par le bénévolat et tu vas sur le burn-out. Et on est au moins deux, même trois, si on parle de Stéphanie qui n'est plus là, à l'avoir connue. Et donc ça, c'est pas question que ça recommence parce qu'il faut qu'on se ménage nous aussi. Enfin, c'est pas possible de se faire du mal au travers de quelque chose qui doit faire du bien aux autres et doit nous faire du bien au passage oui, aussi. Complètement, c'est sûr. Donc pendant toute cette période, donc de 2014 à la naissance de Corasso, jusque là, 2019-2020, le cancer te laisse tranquille. T'as toujours des suivis à ce moment-là à l'hôpital régulier. Oui. Ouais. Tous les 3 mois, puis tous les 6 mois, et on basculait sur tous les ans, je crois, vers 2020, oui. 2019-2020. D'accord. Et on t'a diagnostiqué donc une récidive tout récemment. Et la récidive, c'est à la suite de mon deuxième accouchement, à la suite de la naissance de Baptiste, quelques mois après. J'ai un peu cassé des pieds pour qu'on me fasse une IRM, parce que j'avais dans l'idée que si le cancer ne revenait pas, puisque les carcinomes adénoïdes kystiques ont une sale manie à récidiver quand on n'a pas pu tout enlever à la chirurgie, ce qui était mon cas. Okay. Il y avait des cellules qui persistaient au niveau des gaines nerveuses du nerf facial. Donc, on espérait que la radiothérapie nettoie tout ça. Et puis, force est de constater que ce n'était pas le cas. Mais pendant ces 10 années-là, du coup, est-ce que toi, tu arrives, plus les années passent et plus tu te dis, ça y est, là, je commence un peu à avoir la lumière au bout du tunnel, je suis sortie d'affaires. Ou est-ce que ça te trotte toujours dans la tête, ce truc de... Ça peut revenir à tout moment. Ah, tu l'as toujours. Je pense que tu l'as toujours, mais après, c'est ce que t'en fais toi. Comment tu le domptes ? Plus récemment, là, c'est l'hypnose qui m'a aidée à gérer ça. Ça m'a beaucoup aidée. Il a suffi... j'ai fait plein de séances, mais sans rentrer en état d'hypnose. C'était une hypnose, en plus, en pleine conscience. Mais il a suffi d'une séance pour que... Je prends une autre position, je gère différemment cette épée de Damoclès. Parce que c'est ça qui est hyper dur. Alors oui, les cancers tétécous, ils laissent de nombreuses séquelles, alors visibles ou auditives, on va dire. Mais le cancer, de manière générale, on ne parle pas beaucoup, je trouve, de toutes ces questions que tu peux avoir en tête et de cette épée de Damoclès qui trotte toujours là et commence à avoir la dompter, en fait. Et puis, en plus, j'ai envie de dire, alors plus encore dans la voix, parce que chaque mot que tu prononces te renvoie au cancer. Et quand c'est sur la face, chaque fois que tu te vois dans le miroir, ça te renvoie à ce problème-là. Quand tu as des difficultés pour manger, moi, par exemple, j'ai un trismus, à chaque fois que j'ai une miette qui tombe dans la bouche ou que j'arrive pas à viser la bouche avec la fourchette, ça me renvoie aux séquelles de la maladie, donc à la maladie. Ça veut dire que tu dois accepter cette chronicité, non pas forcément dans la maladie en elle-même, mais dans les séquelles des traitements. Alors heureusement, ceux qui sont diagnostiqués à temps peuvent éviter toute cette séquelle, mais on est quand même nombreux à devoir s'adapter au quotidien avec toutes ces contraintes, et il y en a beaucoup. Ouais. Et comment tu dirais qu'on fait justement pour accepter, pour passer ce stade de l'acceptation ? Est-ce que toi, aujourd'hui, tu l'as accepté pleinement ? En fait, on me pose souvent la question, comment tu fais ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on a en soi une capacité innée à être plus ou moins résilient. Comme on peut être plus ou moins sensible à la douleur, j'ai l'impression qu'il y a ça. Je sais pas si c'est vrai, mais j'avoue, j'ai pas cherché plus que ça. J'ai super confiance en l'équipe qui me soigne. Ça, c'est, j'ai beaucoup de chance. De par l'activité associative, je suis souvent en contact avec des chercheurs, avec des médecins. Donc, je vois tout ce qui est fait pour nous soigner au mieux. Ça, c'est hyper rassurant. J'ai un entourage incroyable avec beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Et puis, je me dis, j'ai la chance d'avoir un cancer qui évolue lentement. Donc, c'est pas demain qu'on me dira, on peut plus rien faire pour l'instant. Il y a des perspectives de soins et on les engage même pas parce que la tumeur est stable. Enfin, les tumeurs sont stables et il n'y a pas d'évolution. Donc, déjà, sur ces points de vue-là, j'ai beaucoup de chance. Et puis, je crois que ce qui me fait le plus peur dans l'idée de ne pas pouvoir être guérie, c'est pas la mort en elle-même. Puisque j'ai l'impression d'avoir déjà eu 15 vies et que j'ai eu la chance de voyager, j'ai beaucoup d'amour, j'ai fait beaucoup de projets, enfin voilà. Ça, à la limite, ça me fait pas peur. Je crois que j'aurais plus peur de vieillir sans mon conjoint que de mourir. Par contre, ce qui fait que là, je suis pas prête à baisser les armes et que je veuille me battre autant que faire se peut, tant que je peux vivre dans des bonnes conditions, c'est mes enfants. Parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Je sais à quel point ça peut être difficile pour la construction, pour l'identité, pour plein de choses, pour les repères. Et je ne veux pas abandonner mes enfants. Et en connexion avec mon amie Caroline à Nantes, j'ai envie de dire un mot, c'est merci. Alors merci à toi d'être là, merci à tous les bénévoles de l'association, merci à tous les soignants, les patients, les aidants qui nous font confiance et merci à tout mon entourage qui me supporte au quotidien. Et puis merci à toi d'être là pour nous aussi au quotidien dans cette belle association. Moi, je m'estime tous les jours de ma vie hyper chanceuse en fait. Je sais pas si je dirais que je suis chanceuse d'avoir eu ce cancer, ce serait peut-être un peu trop, mais en tout cas, je suis hyper chanceuse de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré toutes ces magnifiques personnes et toute cette aventure coup de tête qui a été mais tellement riche en rencontres, riche en découvertes. Enfin, c'était. Mais que l'aventure continue. Mais que l'aventure continue. Merci beaucoup, Sabrina. Longue vie à coup de tête. Longue vie à coup de tête et à Corasso. Et à Corasso, ah ben oui. Bien sûr, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 de Coup de tête. Un grand merci à tous nos invités qui ont partagé leur histoire avec tant de sincérité et de courage derrière le micro de Coup de tête. Un immense merci à Valentin qui a su donner vie à chaque épisode en sublimant nos voix et en créant cette musique originale qui nous a accompagnés tout au long de la saison. Merci à Olivier pour son expertise dans l'hébergement du podcast et qui a su gérer les petits aléas techniques. Merci à Marguerite et Anka de l'agence MedCheck Studio pour leurs précieux conseils qui ont permis de faire connaître Coup de tête plus largement. Merci à nos soutiens institutionnels, Atos Medical, Merck et MSD, qui ont rendu cette aventure possible en nous donnant les moyens nécessaires pour la déployer sur 10 épisodes. Et bien sûr, un grand merci aux bénévoles de Corasso, et en particulier à Sylvie, Sabrina et Bruno, pour leur encouragement, leurs messages réconfortants et leurs mots doux qui ont su donner de la force à ce projet au quotidien. Et enfin, merci à vous, chers éditeurs et auditrices de Coup de tête, pour votre fidèle soutien et votre bienveillance tout au long de cette saison. Si vous ou l'un de vos proches avez été touché par un cancer de la tête et du cou et que vous souhaitez partager votre histoire, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de Corasso. Et d'ici là, restez connectés, car l'aventure Coup de tête ne fait que commencer.